parler par toutes les choses que j'ai dites. Et vous défendre de me donner aucune crainte ni frayeur, terreur ni épouvant. De ne faire aucun empêchement d'aucune nature de Dieu présente ou demeurant ici. Je vous conjure de rejeter.